Le journal Internet des compatriotes coréens aux États-Unis, Minzok Tongsin, a présenté le 22 mars un écrit de l'éditorialiste Lee Jun-si qui admire le prestige de la Corée qui affronte toute la pression des grandes puissances.